L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Baba Yaga et le troublant manoir pour vieux. Baba Yaga, la sorcière, est retenue contre son gré dans une résidence pour personnes âgées. Il y a de ça bien longtemps, dans un petit village en Russie, vivait la sorcière Baba Yaga. Elle avait des pouvoirs maléfiques. Tout le monde en avait peur. Encore vivante aujourd'hui, elle visite toutes les forêts du monde avec sa maison à pattes de poule. Oh, là par exemple, je vais vous parler de quelque chose. Une maison qui a des pattes de poule, vous allez dire franchement, tu sais pas de quoi tu parles. Parce qu'il y a des gens qui ont des poules à la maison qui écoutent ou lisent cette histoire-là. Et personne n'a jamais été capable de poser des pattes de poule après une maison. Ça impliquerait de tuer la poule. Je peux vous dire que moi, je me serais jamais essayée. Parce que j'en ai eu des poules pendant longtemps. Je vois pas comment on aurait pu enfermer une poule dans une maison pour la faire marcher juste avec ses petites pattes. Voyons donc. N'importe quoi pour faire une bonne histoire. Tous les propriétaires de poules ont des histoires à raconter à leur sujet. Puis tiens, un coup parti, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé avec ma poule Woodwood. Ce printemps-là, j'avais adopté 5 belles poulettes rousses. Quand j'ai ouvert la cage pour les mettre dans l'enclos, je me suis aperçue qu'il y en avait une qui était différente des autres. Une poule avec des grosses cuisses presque prêtes pour la rôtisserie. J'ai pensé qu'il y avait une erreur, puis en plus, elle se comportait de manière étrange. Dans l'enclos extérieur, elle grattait par terre tellement fort qu'elle arrivait à déterrer des gros vers de terre bien gras qu'elle mangeait avec appétit. Puis là, quand elle avait plus faim, elle en gardait un dans son bec et courait partout dans l'enclos pour que les autres poules puissent y courir après. C'est comme un jeu. Je la voyais passer de droite à gauche, puis le seul mot qui m'est venu à l'esprit, ça a été « wout wout ». Ben oui, je venais d'y trouver un nom. Ma poule, c'est une poule exceptionnelle. Le soir, pour le dodo, les autres poules s'installent en brochette sur la perche, les unes collées sur les autres. Mais pas « wout wout », non. Elle préfère dormir dans un carreau. Vous me direz que c'est une bonne stratégie parce qu'elle est déjà rendue pour pondre le lendemain matin. Ouais, c'est possible, mais c'est pas le but. Parce que le lendemain matin, elle change de carreau puis elle va pondre dans un autre. Je me suis entêtée pendant tout l'été à la remettre sa perche, mais ça n'a pas marché. Pour moi, là, elle couvait autre chose qu'un œuf. L'hiver est arrivé. Une masse d'air froid s'obstinait à garder les températures tellement basses. Sortant le soir pour faire mon train, j'ai eu peur de me retrouver avec deux glaçons à la place des yeux. Les lumières chauffantes rouges dans la grange arrivaient à peine à maintenir une température raisonnablement tiède dans l'enclos, puis j'avais peur que ma poule gèle. Je la prenais doucement, puis je l'installais sur la perche, mais ça ne marchait pas. Elle retournait s'installer dans son corps. J'ai lâché prise. Une tête de poule, mais c'est une tête de poule. Le soir, quand je fermais la lumière pour le dodo, je la voyais dans le carreau. Et la moitié du corps sortie en hochant la tête, elle me faisait signe comme pour me dire « Viens me voir ». Toutes les soirs, le même manège se répétait. Un soir que j'avais un peu plus de temps, curieuse, je me suis dit « Je vais aller voir ce qui se passe, je vais bien finir par en avoir le cœur net ». Je prends mon petit banc puis je m'assis à sa hauteur. Je l'observe. Ben crime, comme je m'en doutais, elle couvre quelque chose. Comme un petit nuage lumineux en forme d'œuf. La poule me regarde. Ah! Il est temps que tu viennes me voir? J'étais sous le choc. Ah! Je comprends pas pourquoi tu t'entêtes à vouloir m'installer sur la perche, papa. Penses-tu que c'est toi qui m'aimes? Contrairement à ce que tu crois, j'ai choisi de vivre ici. Le fait de coucher dans un carreau. « Inquiète-toi pas, ça ne me fera pas mourir, papa. Au contraire. Je suis une poule unique et libre de faire ce que je veux, papa. Laisse-moi donc te raconter mon histoire. » Puis la poule commence son récit. Au fur et à mesure qu'elle parle, le petit nuage lumineux qu'elle couvre se met à grossir, tourbillonner, puis prendre de plus en plus d'ampleur. Peu à peu, Les murs de la grange s'effacent pour faire place à un beau petit village en Russie près d'une grande forêt inquiétante. C'est dans l'enclos de chez la mère Anna que vit Pavla, l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Woodwood. Comme sa petite fille, elle a des grosses pattes puis elle joue exactement au même jeu qu'au bout avec les verres. Elle n'est pas toute jeune, mais elle fait la fierté de la mère Anna et c'est par attachement, j'irais même par amour qu'elle en prend grand soin. Près de chez elle, un peu en retrait du village, il y a une étrange maison. C'est la maison de Baba Yaga la sorcière qui vit là avec ses deux dernières filles de 30 puis 35 ans. Ça fait bien longtemps qu'elle aurait dû partir de la maison, mais la mère adore ses filles magnifiques, extraordinaires et merveilleuses. Elle souhaite le meilleur pour elles. Devenir paysanne? Pff, jamais de la vie. Se marier? Et pourquoi? De toute façon, aucun homme dans tout le pays est suffisamment bien pour ses amours d'enfant. Son vœu le plus cher, c'est qu'elle soit libre pour qu'elle puisse choisir leur vie. Les filles restent donc collées à la maison puis refusent de partir. Je vous dirais qu'elles vivent au crochet de leur mère, comme deux tanguis. Mais malgré tout, elles chialent sur leur mode de vie. Elles voudraient bien pouvoir profiter de la maison à leur guise, se coucher tard, manger ce qu'elles veulent, puis au quotidien, ben, avoir un peu plus de lousse. Mais il faut pas se méprendre. C'est Baba Yaga qui a la priorité sur toutes les décisions. On la surnomme la sorcière parce qu'elle est d'une laideur repoussante. Elle dégage une odeur de... Ah, poiche! Un mélange de vieux remords puis de yogourt périmé. Sur son dos courbé, une vieille peau d'animal informe et sale y sert de manteau. Elle utilise comme bâton de marche une grosse branche. On dit que sous ses traits de vieille femme se cache une entité malicieuse qui est prête à reculer devant rien pour assouvir ses besoins les plus diaboliques. Il paraît même que la nuit, elle s'envole dans son gros baril de bois pour aller faire des sacrifices humains avec d'autres sorcières. Les commères du village rapportent qu'il y a de ça bien longtemps avant leur naissance. La sorcière avait eu des tas d'enfants, juste des filles. Puis lorsqu'elle atteignait l'âge de la maturité, elle partait dans la forêt avec elle et revenait seule, sans ses enfants. On les revoyait jamais. Même chose pour ses nombreux maris. On dit que son pied à terre, une cabane dans la forêt, est entourée d'une clôture sur laquelle trônent des crânes de ses enfants, de ses maris, puis d'étrangers qui auraient perdu leur chemin. Pas besoin de vous dire que lorsqu'elle déambule dans les rues du village, son odeur la précède puis sa réputation la suit comme une traînée terrorisante. Tous les matins, Baba fait sa tournée dans le village. Elle parle à personne et personne n'y parle. Par malice ou par plaisir, elle va tranquillement, se délectant des réactions qu'elle provoque. Ses petits yeux malicieux scrutent l'effet qu'elle produit sur les villageois. Ce qu'elle préfère le plus, c'est la nuit. Elle se transforme en déesse d'une grande beauté. Elle s'envole dans son baril. Elle sillonne la forêt, le village et les champs pour veiller sur les animaux, les récoltes et sur les cycles de la vie. Une fois par mois, à pleine lune, elle se rend au plus profond de la forêt. Il y a un party qui est organisé par ses chums de filles, les sorcières. Puis là-bas, elle en profite toute pour se bourrer à face d'un potion qui donne pas toujours d'heureux résultats. Elles font des rituels pour célébrer la vie qui bat en elles et qui leur permettent de se brancher sur les rythmes de la nature. Il y a juste les animaux puis ceux qui habitent la forêt qui connaissent la vérité. Lorsqu'elle passe devant l'enclos des poules de la mère Anna, Pavla et elle se croisent du regard. On devine une certaine complicité. Puis comme si elles se comprenaient sans se parler, la poule lui fait un petit signe de la tête en guise de salut, puis, pop, pop, pop, continue à cocoter. Tandis que la sorcière marmonne quelques mots et poursuit sa route.